combien de larmes et combien de souffrances pour écrire une chanson. Combien d'alarmes, de doutes et d'errances pour entendre la raison. La raison de ton cœur, la raison du bonheur, la raison de l'amour qui règne nuit et jour. La raison de la vie qui te porte à l'envie, à nouvelle saison, à nouvel horizon. Combien de larmes et combien de douleurs pour écrire une chanson. Nuées sans armes, toujours vaincre ta peur, éviter la déraison. Mourir et puis renaître, tomber et te remettre, porter toujours la vie malgré ton cœur meurtri. Douter et te connaître et vouloir disparaître, mais te retrouver là. Reprendre le combat. Combien de larmes et combien d'espérance pour écrire une chanson. Sous un ciel parme, indigo ou garance, aller faire la moisson de tout l'amour semé, des rêves essaimés, du partage oublié, du fruit de l'olivier. Enfin abandonné, tout entier te donner, à l'éternel instant, à l'unique présent. Combien de larmes pour un temps de bonheur, pour chanter une chanson. Et sous son charme, laissez battre ton cœur au rythme de sa raison. Et sous un jour nouveau, voir plus loin et plus haut, écoutez dans le vent la chanson de ce temps. Et dans un ciel plus beau, regardez des oiseaux, les folles arabesques, voler, tu le peux presque. Combien de larmes, d'amour et de saison pour écrire ta chanson. Pour que des armes, ton cœur et ta raison, pour détruire ta prison. Combien de larmes, d'amour et de saisons, pour écrire ta chanson, pour écrire ta chanson, pour écrire ta chanson.